que pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de comprendre. Et la meilleure façon de comprendre, c'est de réfléchir. Donc on apprend tous à penser, mais on n'apprend pas à réfléchir. Donc ce serait intéressant qu'on se mette tous à réfléchir ensemble. Et donc, la question posée pour... Lorsqu'on m'a proposé de faire un sujet. Donc le sujet, j'ai dit, eh ben ce sera King Kong, Tarzan, la planète des singes, les conséquences sur notre conscient, notre inconscient et notre subconscient. Maintenant, il est vrai que ces trois nominations que je vous ai données sont des films hollywoodiens. Et on va rajouter, j'ai pensé en fait dans le métro, ou en venant, enfin je sais plus, en voiture, on va rajouter un quatrième film pour comprendre un peu l'état de cette pensée. Le quatrième film qu'on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a internet sur son téléphone? Quelqu'un qui a internet sur son téléphone tape le premier long métrage américain. Le tout premier long métrage américain. C'est un film qui dure 2h30, 3h. Et c'est un film qui raconte la naissance des États-Unis. Et donc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça raconte la naissance des États-Unis. J'ai regardé, c'est-à-dire 2h30, c'est intéressant. Donc les Américains, les mecs, ils arrivent, sont gentils. Les Indiens sont méchants, donc ils niquent tous les Indiens. Après, ils sont gentils avec les maîtres. Les maîtres sont gentils avec leurs esclaves noirs. Et les esclaves noirs, eh ben, ils aiment leurs maîtres, mais quand même, ils aiment pas. Après, les mecs du Nord, ils disent, bon, ben, les esclaves noirs, c'est pas bien, donc faut les libérer. Donc les mecs du Nord, ils s'en vont libérer les esclaves noirs. Mais les esclaves noirs, comme ils aiment leur maître, ben, ils défendent leur maître. Mais en même temps, enfin bref, il y a. La naissance d'une nation. Voilà. C'est ça. Donc le film s'appelle Naissance of Nation, la naissance d'une nation. Donc je vous invite tous à aller voir ce film, Naissance d'une nation. C'est le tout premier film, c'est le tout premier long métrage du monde. C'est un film américain d'Hollywood. Et en fait, le méchant dans le film, c'est les métis. Parce que les métis, quand les noirs sont libérés, ils profitent de la puissance et après ils trompent les blancs. Et puis les blancs, ils tapent sur les métis et puis les métis, machin, bref. Donc ça, c'est... Bonjour, désolé, je suis France de la logistique. Juste un petit point technique. Le camion de la logistique de la cantine est à côté. Là, je peux pas. Enfin, à la base, c'est mon véhicule. J'ai pas de permis parce que je me suis fait voler mes papiers, donc j'ai pas le droit de conduire mon véhicule. Donc déjà, on cherche un conducteur avec un permis de conduire pour ramener le véhicule. Après, ce qui se passe, c'est que Marie de la logistique a l'autorisation préfectorale. N'a pas le papier, mais a le numéro de l'autorisation, mais elle arrête dans 3/4 d'heure. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme décision ensemble? De soit monter nuit debout dans 3/4 d'heure, soit de le monter maintenant, au risque de se faire ou pas emmerder par les flics. Dans 3 quarts d'heure, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je dans sais pas. Voilà. Dans 3 quarts d'heure, c'est bien, parce que c'est permis de terminer. Et dans auquel cas, s'il y a des gens pour démonter, enfin, pour décharger, donner un coup de main, c'est cool aussi. Dans 3 quarts d'heure. Toi, tu peux conduire? C'est cool. Comme tu veux, si on peut ramener le camion maintenant et commencer à décharger. Après, c'est au risque de se faire embêter comme hier, mais ça s'est bien passé aussi. Enfin, hein, il y a pas de souci. Ils nous ont demandé est-ce que vous avez le papier d'autorisation. On a dit non. La personne va arriver dans 3 quarts d'heure, comme aujourd'hui, et ça s'est bien passé. On a fini par décharger quand même. Donc, si tu veux, je te passe les clés et on bouge le camion maintenant. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont rester, sinon si on n'est pas nombreux, ça marchera pas. Ok. Donc, si vous avez vu le tout premier film américain, La naissance d'une nation, après vous comprendrez les prochains films dont on parle, qui sont King Kong, Tarzan et La planète des singes. Est-ce que quelqu'un peut venir nous expliquer son conscient par rapport à King Kong, le film? Est-ce que quelqu'un peut venir prendre le micro et nous expliquer ce qu'il a ressenti en voyant King Kong, le film? Alors moi, dès que j'ai vu King Kong, écoutez, j'ai eu peur. Je me suis dit, en fait, est-ce que je pourrais être un singe? Mais bon, voilà. Eh, ça va pas marcher. Sincèrement, on va essayer d'apprendre autrement. Donc, il n'y a pas un professeur et des élèves. C'est participer. Participer, c'est poser son idée. Après, il y a quelqu'un d'autre qui va donner une autre contradiction pour amener l'idée. Et je vous promets, on va réussir à réfléchir ensemble sans avoir lu un livre, sans avoir eu besoin de tel intelligent philosophe. On va essayer de comprendre une situation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous expliquer le film King Kong ? Et le ressenti, hein, bien sûr. Bon, j'étais toute petite quand j'ai vu King Kong, mais les souvenirs que j'ai, c'est qu'en gros, il y a un gros monstre qui terrifie une ville, c'est ça ? Un immense gorille, c'est ça ? Ça se passe à New York, non ? Ou à Chicago ? Je sais plus. Bon, en gros, il vient d'Afrique. Ok, donc il y a des explorations. Merci. Il y a des tu veux répondre ? Non, c'est vraiment, on parle de conscience collective. Et donc, on essaie d'être précis. Bon, elle dit que, sincèrement, qu'elle a oublié la première partie du film. Mais on parle de conscience collective. Donc, l'histoire du film, je peux la raconter, quoi. Parce qu'il y a d'ailleurs, il y a eu plusieurs remakes. Hein. Donc, l'histoire du film, c'est un type qui est assez riche, qui veut aller, il entend parler d'un super énorme singe sur une île. Enfin, il y a un mythe et tout. Donc, il cherche l'île. Il part en bateau, donc il met des fonds, le mec, c'est un milliardaire, il part avec un autre mec, avec un type qui va leur permettre de, qui connaît bien la région et tout ça, qui connaît un peu plus aventurier, qui va leur servir de guide. Et puis il y a sa femme, il y a une femme, il y a tout ça, enfin bon. Et ils se déplacent, ils vont sur une île pour voir ce singe, ils trouvent le singe, ils voient le gros singe, ils le capturent. Ils le mettent dans le bateau et ils le ramènent aux États-Unis pour faire de l'argent avec le spectacle, avec le singe, voilà. Et ça se passe à New York. À la fin, ils grimpent sur la... Oui, c'est New York, ils grimpent sur l'Empire State Building. C'est la scène très populaire, très connue, quoi, du film. Ok. Donc, King Kong, ça se passe en Afrique, la première partie. Donc, c'est un explorateur qui part en Afrique chercher le roi de la forêt. Donc, King Kong représente le roi de la jungle africaine. Donc... Et donc King Kong représente le roi de la forêt africaine. Là on parle vraiment de la compréhension du film. Et bon, certains disent que c'est une île. Mais il est tellement grand que l'île, bon je sais pas. Hein. Enfin bref, c'est une grande île. Ouais, non, c'est une grande île. Et donc King Kong, d'accord. Et en fait, King Kong, en fait, on va prendre le roi du continent. On le ramène. Le roi du continent, déjà, il tombe amoureux d'une princesse qui vient d'Occident. Et il est tellement attendri par cette princesse d'Occident qu'il devient doux. Donc on l'attrape, on l'amène dans le pays de la princesse. Dans le pays de la princesse, on dit qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Ben, on va en faire une marchandise. Et donc, j'espère que ça vous rappelle l'exposition coloniale. Donc on fait de ce grand singe une marchandise. Pour gagner de l'argent. Et donc lui, il perd la tête et c'est ça, il veut repartir chez lui. Donc il monte sur un truc qui rappelle son rocher, son rocher. Donc et de là, donc comme on a peur de lui, on l'abat. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, c'est lorsque les esclavagistes ils arrivent en Afrique, ils tombent sur une immense cité et le roi du pays est invité, en fait ils l'attendrissent avec des belles phrases et ils invitent le roi du pays en Occident, donc le roi du Congo. Et en invitant le roi du Congo en Occident, on le tue, on élève son fils, on le christianise avec des idées européennes et on le ramène dans son pays. Donc en fait, c'est on a un peu commencé, c'est les premiers pas de l'Occident moderne en Afrique. Donc King Kong raconte ça. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire du Congo, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais King Kong raconte la mise en place, le pied de l'Occident en Afrique. L'Europe, hein, on parle bien de l'Europe. Maintenant, on va passer à un deuxième film. Ok. King Kong n'a pas d'enfant, effectivement, dans le film. On va passer au deuxième film, on va passer à Tarzan. Mais en fait, il y a aussi une deuxième chose dans King Kong, c'est les pygmées, tout ça, tout ça. Et donc, même si on dit que ça se passe dans une île, mais ce qu'on a, c'est King Kong, un roi, avec des petits Africains, pas des petits Noirs qui le chassent à la fléchette, cannibale ou pas cannibale, mais en fait, ce film, est la première personne qui a parlé, il fait peur. Et donc, dans la conscience collective, même le Noir, quand il voit King Kong, il a peur de l'Afrique. Le Noir qui voit King Kong, il a peur de l'Afrique. Que ce soit une île ou pas, c'est la peur qu'on voit dans ce film. Ensuite, on va passer à un film qui s'appelle Tarzan. Donc, est-ce que quelqu'un a vu ce film qui s'appelle Tarzan? Est-ce que quelqu'un a vu ce film qui s'appelle Tarzan? Tarzan. Qui est-ce qui peut venir nous parler de Tarzan? Et nous parler de son conscient, de son subconscient sur Tarzan? Non. Expliquez-nous notre conscient et après on parlera de notre inconscient. Qui peut venir parler de Tarzan? Viens nous dire ce que tu as vu dans Tarzan. Viens. S'il te plaît. Ah. Madame, est-ce que tu as vu Tarzan, le film? Waouh. Ok. Tarzan, raconte-nous Tarzan et ta pensée lorsque tu as vu Tarzan. C'est-à-dire que, au lieu de, on raconte le film, on raconte qu'est-ce qu'on a ressenti en regardant ce film. Moi, c'était Tarzan version Disney, donc c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y a une expédition dans une jungle. Et en fait, il tombe sur un mec qui a été élevé par des singes. Je sais plus trop pourquoi. Et en fait, il y a une histoire d'amour. Il y a une fille dans le groupe, elle tombe amoureuse du mec. Et il le ramène dans une ville anglaise, de mémoire. Voilà, si je peux résumer. Alors dans le film de Disney, il slide, il skate sur les trucs, sur les arbres. C'est assez. Et je crois que c'était Phil Collins qui faisait la bande originale du film. Voilà. Juste sur Tarzan, c'est rigolo que t'en parles parce que je sais pas si t'as vu la critique de Télérama du dernier Tarzan. Mais franchement, lis-la parce que je pense que tu vas kiffer. Parce qu'en gros, ils disent que c'est le blanc qui va sauver les blacks en fait. Et quand j'ai lu la critique de Télérama, j'ai pensé à toi. sans méchanceté, hein. Mais lis-la, franchement. Bah en fait, Télérama a commencé à faire le prémisse de l'intervention qu'on va faire ici. Donc si vous avez. Ah donc les journalistes pensent plus que le citoyen moyen, parce que les journalistes ont fait la bonne critique de ce film. Donc vous avez compris que King Kong, on va chercher le roi, qui est un colosse, on le ramène, on l'anéantit, et ce roi on l'attendrit avec une jolie princesse donc du pays. Donc Tarzan, c'est quoi Tarzan? Tarzan, c'est un bébé blanc qui est abandonné par des explorateurs blancs en Afrique. Ce bébé blanc est recueilli par des singes, par des animaux africains. Ces animaux africains prennent cet enfant comme leur, comme eux, et ils l'élèvent comme leur famille. Et ce bébé blanc devient le roi de la jungle. C'est lui qui arrive à parler aux singes, qui parle aux animaux. Donc, à une période donnée du monde, après 200 000 ans d'existence, il a fallu qu'un bébé blanc arrive en Afrique, pour créer une cohésion entre l'homme et l'animal. Donc ce bébé blanc qui est intelligent, plus intelligent que les petits pygmées et les abrutis d'Africains qui arrêtaient pas de niquer et je sais pas ce qu'ils faisaient, il devient un sage et arrive à parler avec les autres animaux. Et en plus, c'est lui qui domine tous les petits nègres qui sont dans la jungle. Maintenant, il faut voir encore une deuxième chose dans ce film, c'est que Tarzan, il vit avec les animaux. Tarzan, il vit avec les singes. Des singes, ça baise à longueur de journée. Donc Tarzan, qui vit avec des singes, il voit autour de lui sa famille qui baise à longueur de journée, mais lui, il baise pas. Donc il arrive même pas à trouver une petite négresse pour baiser. Donc Tarzan, il arrive à tomber amoureux d'une exploratrice blanche, parce qu'il n'arrivait pas à toucher une négresse. Donc en trouvant une exploratrice blanche, sa libido se réveille. Donc il se dit, ça fait je ne sais combien d'années que je suis dans la jungle, j'avais jamais pensé à niquer alors que tous mes frères singes, pendant que tous mes frères singes niquent, il n'y a que la petite blanche qui vient d'arriver qui m'a réveillé et je suis tombé amoureux. Donc Tarzan, roi de la jungle qui domine tous les Africains, arrivait à réveiller sa libido uniquement avec une femme blanche qui arrive. Bon, ça, c'est encore la deuxième partie. Arrête, non, sois sérieux, non, s'il te plaît, soyez sérieux. Et sincèrement, on essaie de faire un truc ensemble, sans livre, sans parler d'auteur, sans rien du tout. Donc, on réfléchit ensemble, s'il vous plaît. Comme ça, on arrivera à nous-mêmes à trouver des trucs encore mieux que Télérama. Donc, en fait, Tarzan. Ensuite, il y a encore d'autres explorateurs blancs qui arrivent. Et Tarzan, il dit, mais c'est qui ces gens-là? Ils sont méchants. Donc Tarzan va aller dire à ces gens, l'Afrique, c'est un beau pays, vous soyez gentils, respectez ce pays. Et les Africains, eux, n'arrivaient pas à faire ça. Donc Tarzan, eux, le leur a dit. Ensuite, Tarzan, il est parti par amour pour Jeanne. Il part en Europe. Et donc, bon, ben, c'était un gosse riche à Rothschild encore. Et donc, Tarzan, descendant Rothschild, il est élevé donc dans l'abondance et tout. Et en fait, il se sent mal. Il dit, bordel, l'Afrique, les pygmées, tout ça, ça me manque. Je suis pas bien dans ce continent. Faut que je reparte. Ce que nous, Africains, on n'arrive pas à faire. Tarzan, lui, il a réussi à le faire. Donc, Tarzan, il veut repartir dans son bled à la fin du film. Et quand il rentre dans la forêt, il est heureux. Et il est heureux avec ses amis, les singes et tout ça. Donc, dans Tarzan, on voit un blanc assez intelligent pour devenir roi des animaux et roi des peuples autochtones, on va dire indigènes, qui, pour amour d'une femme d'un autre pays, comme dans King Kong, part donc dans l'autre pays, mais que lui, avec un cœur gros comme ça et une sincérité et une honnêteté, donc Tarzan, le blanc qui vient, lui, était honnête, pas comme les nègres, et lui, il veut repartir vivre en Afrique et sauver l'Afrique. Ce que on n'apprend pas aux nègres, aux Africains à l'école, sauf seul un blanc avec beaucoup de cœur fait ça. Donc on en arrive à la deuxième partie de l'expérience, c'est que moi j'ai vu Tarzan quand j'étais enfant, et je te jure, quand j'ai vu Tarzan, j'avais honte d'être Africain. Et je pense que j'étais pas le seul dans cette optique. King Kong, Tarzan, donc il y a une espèce de complexe qu'on a chez les Africains, et il y a que les Européens qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent, les Européens blancs. Nous, en tant qu'Africains, on voit un espèce de complexe d'infériorité par rapport à la suprématie et à l'intelligence, parce que c'est pas simplement une épreuve de force, c'est une sagesse. Que ce soit dans King Kong ou dans... Attends deux secondes, s'il te plaît, je te donne le micro. Je finis, je te donne le micro et tu continues, s'il te plaît. Et donc, dans ces deux premiers films, et là, on se rappelle encore que le premier film américain, The Nation, je vous invite tous à aller voir ce film qui s'appelle The Nation, le tout premier film américain, pour comprendre un peu Tarzan, tout ça. Donc là, on a vu un roi africain qui part se faire zigouiller en Europe. Avec Tarzan, on voit un roi blanc qui part en Europe se faire insulter et qui repart, lui, avec grandeur dans son pays, sauver le pays de ses amis animaux. Maintenant, on va penser. On va faire une pause. Est-ce que quelqu'un peut venir parler de ce que je viens de parler et reprendre un peu mes propos, les contredire Non. Bon, on respecte toutes mes excuses. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de Tarzan et de King Kong. On va parler d'une chose terrible, c'est le code de travail. Il est où? Attends, s'il te plaît. Ok. J'en reviens encore que pour nous Africains, Tarzan nous a plus tué que le code travail et l'euro. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Est-ce que quelqu'un peut recentrer le débat sur cette analyse? Là, on parle de l'être humain. Là, c'est terrible parce que on parle pas de euro, de machin, de banquier. On parle de notre conscience d'être humain à nous tous, de blanc, de noir, de chinois, tout ça. Voilà. En fait, moi, je te remercie vachement de ton intervention parce que c'est vrai qu'avant que tu parles de ça, en fait, moi, j'avais pas du tout cette idée-là de l'arrière-fond inconscient de ces films. Et vraiment, je te remercie. C'était très intéressant, en fait. Et moi, j'ajouterais même dans les commentaires par rapport à King Kong une référence à La Belle et la Bête. Et aussi l'idée que d'un côté, il y a la force et de l'autre, l'intelligence. Voilà, il y a plein, en fait, d'archétypes qui sont derrière, qu'on voit pas. Et que tu nous permets de découvrir, et pour ça, je t'en remercie. Je te le passe après. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que les artistes qui ont produit ces œuvres, est-ce que tu penses qu'ils ont fait ça consciemment, comme une propagande, en fait? Ou est-ce que tu penses qu'eux-mêmes, en fait, c'est des artistes qui ont pu être influencés par des œuvres comme La Belle et la Bête, et que quand ils ont fait ça, ils l'ont fait de façon inconsciente? mais que c'est seulement après, quand toi tu vas fouiner dans l'inconscient, que tu retrouves les archétypes et les idéaux racistes, quoi. Non, ben, je viens juste de penser, tu disais pour Tarzan, le ressenti, c'est marrant parce que tu disais, du coup, ça te, t'as eu honte d'être africain. Et, ouais, mais en fait, enfin, moi, quand je vois le film, donc si tu veux, mon avis, j'ai pas mon avis de blanc parce que je représente pas tous les blancs, mais mon avis à moi, crois bien que même nous-mêmes, on comprend bien le message du film, c'est-à-dire que on est content quand il retourne chez lui. Et, mais pas parce qu'il s'en va de chez nous, parce qu'on aimerait bien aller avec lui chez lui, tu vois. Et nous aussi, du coup, on a honte d'être dans cette société-là qui monte dans le film. Donc c'est assez drôle, du coup, on a honte tous les deux. Des deux côtés, on a honte, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais rebondir sur, sur ce qu'a dit le frère. C'est vrai que dans le cinéma hollywoodien, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il y a toujours, en fait, il y a une vitrine et puis il y a l'arrière-vitrine. En fait, il y a la vitrine, c'est le rêve américain, c'est des grandes stars, c'est un bon jeu d'acteur, c'est des effets spéciaux qui tuent. Et en fait, il y a l'arrière-vitrine, en fait, où c'est, il y a toute cette idéologie politique, souvent coloniale et souvent très très destructrice, à point de provoquer des génocides culturels. En fait, quand on parle de Tarzan, moi, ça me rappelle toute la colonisation africaine, c'est-à-dire, en fait, le bon colon et négrier qui, en fait, sous prétexte, en fait, de trouver de l'or ou son petit pétrole ou son petit bien, en fait, dans d'autres continents, va faire l'aventure dans une terre qui n'est pas la sienne et va apporter, parce que quand tu parles de Tarzan, qui est ce caucasien... D'ailleurs, en fait, je crois que Tarzan est pris de Greenstock, je sais pas si tu l'as vu, ce film avec Christophe Lambert, qui, comme Tarzan, est un chevelon, un caucasien qui, en fait, n'est pas un homme civilisé. En fait, il parle pas, il a des habitudes alimentaires très, très, très primitives. Et toute l'idée dans ça, c'est de faire croire, en fait, que toujours, toujours, toujours, depuis Gobineau, que la Terre, c'est une terre de... il n'y aurait pas de civilisation, il n'y aurait pas de technologie, il n'y aurait rien. C'est une immense savane, une immense forêt. Et qu'en fait, que les seules personnes qui... Parce qu'en fait, il y a une dualité dans ce que tu racontes, Tarzan, c'est que... Il dit, oui, ne touchez pas à l'Afrique. C'est-à-dire, quelque part, dans cette analyse, je me dis que il a trouvé une certaine sagesse dans l'Afrique. Mais le fait que, désolé de le dire, mais il faut dire ce qu'il y a, le fait que ce soit un caucasien, c'est vrai que Mandu, il a pas trop tort. C'est que quand vous regardez Tarzan, il va en Afrique. Il fait des choses que nous-mêmes, nègres, on peut pas faire. Ça ressemble à la colonisation, puisque depuis des années, depuis 400 ans, le colon... avec le catholicisme, a dit que voilà, priez Jésus, priez les prophètes des autres, attendez, non mais c'est pas grave, c'est Dieu qui va le faire, c'est Jésus qu'on a plein, qu'on a fait blanc aux yeux bleus, caucasien aux yeux bleus, attendez-le et puis voilà, vous priez et puis vous allez voir, c'est, et vous aurez des miracles. Donc en fait, les Africains ont été, via la religion, on leur a appris à pas agir par eux-mêmes, à toujours attendre que ce soit l'autre qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que ça peut... Et puis, quand je parle de religion, je parle également de cette image. Moi, c'est vrai que des fois, quand je débat de religion, il y en a qui me disent, oui, mais tu sais, Richie, dans les jours obscurs, il y aura l'apocalypse et il y aura un messie qui va tuer un messie, qui va tuer l'antéchrist. Ben, je dis, ouais, comme Batman est le seul à écraser le Joker, comme Iron Man est le seul à écraser Iron Monger, toujours cet homme qui est capable de sauver tout à lui tout seul, en fait. Donc, en fait, c'est aussi cette image aussi de cet homme, de ce surhomme qui sauve à lui tout seul et qui, voilà, c'est ce que je voulais apporter comme un... Il y a vraiment une dimension religieuse qu'il faut voir, et toujours de ce héros solitaire. Voilà, donc, c'est bon, j'ai fini. Ok. Et... En fait, plus que la notion religieuse dans Tarzan, en fait, c'est exactement ce que vient de dire. Il est où? Il est plus là. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. En fait, il y a la honte, il y a le complexe chez l'Africain et il y a la honte chez l'Européen. Et la honte chez l'Européen se définit par quoi? Nous allons aider l'Afrique. Donc Tarzan, quand il repart en Afrique, il repart dans un contexte comme vient de dire Richie. De sauvage. Donc Tarzan, c'est un blanc qui aime la vie sauvage et qui repart dans un pays où les gens sont bons et sauvages. Et donc dans la tête aujourd'hui de l'Européen, c'est que nous, en tant que gens cultivés, que ce soit religieux ou autre, Nous aimons ce côté sauvage et c'est l'amour de ce continent que nous a montré Tarzan. Et nous allons nous aussi aller aider ce peuple de sauvages. Et donc, Tarzan, c'est la compassion. Et la compassion pour un peuple de sauvages que nous, les Blancs, on va aller aider. Donc, dans King Kong, on attrape le roi, on le liquide. Dans Tarzan, on aime le pays d'où vient ce roi et on va le sauver. Donc, ça, c'est les deux notions qu'on peut prendre dans King Kong et dans Tarzan. Maintenant, on va aller un peu plus loin parce qu'on va pas rester, ça dure une heure seulement, un trois quarts d'heure. Maintenant, si on a compris que d'abord on anéantit donc non pas la sagesse du peuple, mais son pouvoir de décision, c'est-à-dire le guide suprême. Ensuite, qui c'est qui va sauver ce pays quand le guide suprême est mort? Eh ben, c'est nous, parce que nous, on a fait une erreur, donc on est gentil, on va y aller. Et donc ça a amené les ONG machin. Aujourd'hui il y a 40 000 ONG qui vont sauver l'Afrique parce que les Africains sont tellement couillons qu'à force de faire de liane en liane, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur terre. Et donc c'est vraiment inconsciemment, dans le conscient collectif, dans l'inconscient collectif, nous pensons tous, comme Tarzan, aller aider l'Afrique parce que nous sommes gentils, parce que l'Afrique est un beau pays avec plein de petits Africains qui gambadent et autres. Et donc c'est la honte en fait, exactement ce qu'il a parlé. Il y a le complexe chez l'Africain, il y a la honte chez le Blanc qui va à tout prix sauver l'Afrique, quoi qu'il puisse le faire, mais il veut faire quelque chose, donc il va aider l'Afrique parce que les Africains ne peuvent pas s'en sortir eux-mêmes, parce que, comme vous avez vu, ben, c'est Tarzan qui est le Blanc qui est venu leur apprendre à parler aux animaux ou à machin. Maintenant, on va aller un peu plus loin si on a compris ces deux. Je pense que tout le monde a... Est-ce que tout le monde suit à peu près? Une contradiction? Vas-y. Okay. En fait, je voulais juste dire deux mots. Tarzan, en fait, il n'a pas été abandonné en Afrique, d'après le film. C'est ses parents qui ont été tués. Et il a été recueilli par une guenon. Ensuite, le film Tarzan, faut pas aller chercher plus loin. Hein, ça peut être juste un film d'animation. Et faut pas tout mélanger, parce que les ONG, il y a des gens de bonne volonté qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont en Amérique latine, qui aident des gens. Donc, les interprétations que tu fais des gens de bonne volonté qui aident ces pays en difficulté, à mon avis, il faut mettre des limites. Tu vois, je comprends ton aspect psychologique, voilà. Mais voilà, on réfléchit ensemble, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, mon ami. Et tu représentes vraiment. Hey, je vais te dire un truc, tu peux te fâcher, on peut en discuter. Mais tu fais partie vraiment du noir complexe King Kong Tarzan. On va en parler entre nous tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'insulte de ma part. Mais vraiment, tu sais quoi, on va faire une prochaine éducation populaire et on va parler de qu'est-ce que c'est que les ONG en Afrique. Et là, tu comprendras exactement. Vas-y. Moi, c'est juste sur mes interprétations de Tarzan. Déjà, il y a plusieurs versions et c'est vrai que quand on regarde les vieilles versions, d'ailleurs, tous les films d'expédition comme ça, des années 50, même 60, c'est vrai que le noir, il est représenté comme un crétin. À part ceux qui parlent un peu la langue, qui ont été un petit peu civilisés, on a d'un côté les blancs civilisés et les noirs. Et après, c'est vrai que les versions d'après, ça change, hein. Ça s'améliore, quoi. Quand on prend les nouveaux Tarzan, mais celui avec Jenny Westmuller, les noirs, ils ont quand même, je trouve, ils sont pas, ils ont une, ils sont vraiment pas, c'est vraiment des crétins, ouais, voilà. Il y a vraiment une mauvaise image du noir. Après, pareil. Justement, je pensais que tu allais parler plus de ça, justement, parce que moi, c'est vrai que, par exemple, j'ai été voir un film avec un ami qui parle très bien, qui faisait à l'époque des études d'anglais, il voulait être prof d'anglais, on avait été voir, comment ça s'appelle, la guerre, mince, je me souviens plus du titre du film, là, c'était un remake, il y en avait eu 5 comme ça, avec, mince, je me souviens plus, voilà, ouais, excusez-moi, je vais aller vite. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des petites bestioles dans le film. Alors, j'avais été le voir en THX et tout, super, en version originale. Il venait de sortir, on était contents. Et moi, je parlais pas bien l'anglais, donc j'étais plus intéressé par les sous-titrages, je faisais moins attention. Et lui, il regarde toutes les petites bestioles. Il me dit, regarde toutes les bêtes dans le film. Elles ont des actions, elles ont des accents noirs américains. Et ouais, et c'est vrai que c'est des choses qu'on fait pas attention et qui peuvent marquer notre inconscient et qu'il faut remarquer et dénoncer. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois dans le cinéma hollywoodien, il y a des choses qui sont pas très sympas. Ah, c'était juste pour faire cette remarque, je pensais que tu allais parler de ça un peu plus. En fait, j'allais pas en parler, mais je reviens, c'est que tu nous fais rappeler la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que le cinéma américain était... est-ce que la production américaine était complice? En fait, pour comprendre ce que c'est que le cinéma américain de l'époque, j'invite encore les gens à voir le premier film, le tout premier film long métrage. Vous tapez sur internet le tout premier film américain, ça dure 2h30, 3h, ça s'appelle The Naissance of a Nation. Et vous verrez, ça explique exactement le blanc gentil, les indiens couillons, on tue les indiens, après les noirs, c'est la naissance des États-Unis. Ouais, il y a le Ku Klux Klan, avec le Ku Klux Klan, voilà. Et donc en fait, pour revenir au cinéma hollywoodien de l'époque, donc comment il est construit, il faut savoir qu'à l'époque, il y a un film qui, je sais plus quel film traite de ça, il y a une actrice noire qui est invitée dans un hôtel, et elle est dans un hôtel parce que elle jouait un film, je sais plus, c'était Othello, en fait elle jouait un film de négresse, c'était dur pour elle, mais elle arrivait toujours à trouver des rôles. Et donc un jour elle est dans un hôtel de riches avec tous les blancs, et puis elle a envie d'aller nager avec tout le monde, et elle met son pied dans la piscine. Et le lendemain quand elle se réveille, la piscine a été nettoyée et lavée à la Javel, pour qu'on puisse remettre de l'eau pour que les blancs, les autres comédiens puissent nager dedans. En fait, le cinéma hollywoodien de l'époque, il est mais d'un racisme hitlérien. Le cinéma hollywoodien de l'époque est d'un racisme hitlérien. Tout à l'heure, on a parlé de l'Europe et on a défini la construction de l'Europe. Il y a des gens qui doutent encore. Ritchie nous a fait la construction de l'Europe. Si vous faites la construction de l'Europe et que vous regardez comment a été construit les États-Unis, eh ben, vous allez comprendre comment fonctionne Hollywood. Et allez construire Hollywood. Et Hollywood, le cinéma hollywoodien, a été un cinéma, mais extrêmement raciste. Et lorsqu'on fait King Kong et Tarzan, là, comme je dis, c'est pour ça que j'invite à réfléchir ensemble. Parce que je veux pas venir dans le truc en dire c'est comme si, c'est comme ça. C'est se poser les bonnes questions. Est-ce que demain, pouvez-vous re-regarder King Kong, re-regarder Tarzan, aller voir ce tout premier film, The Naissance of a Nation, et comprendre dans quelle optique ces gens-là font ces films. Maintenant, on en arrive à l'optique de Tarzan. Donc, quand on a compris à l'optique de Tarzan que nous, l'occidental, eh ben, par amour pour l'Afrique, par amour pour Tarzan, on va aider ces pauvres Africains qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui, après, avec les médias, meurent au Darfour, tout ça, je ne sais quoi, ils ont faim. En fait, ils vivent tous dans un paradis, mais ils n'arrivent pas à planter des ignames pour manger. Donc, comme les Africains qui vivent dans un paradis avec de l'eau, ils n'arrivent pas à manger, nous, on va leur envoyer de l'argent, on va leur envoyer ceci, on va leur envoyer cela. Et donc, vraiment, on essaie de... Comment on en arrive à comprendre que les Africains n'arrivent pas à manger? C'est parce que, pour nous, l'Afrique, c'est Tarzan, King Kong. C'est la vision qu'on a inconsciemment de l'Afrique, à part si on a été sur place, machin, mais la vision qu'on a, c'est encore des gens dans la brousse et autres. Maintenant, comment se fait-il en 2016, on n'arrive pas, parce qu'en 2016, on a réfléchi. En 2016, on a vu plein de films, on a vu des comédiens, on a vu des Africains qui ont gagné la Coupe d'Europe, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Donc on sait que l'Afrique a changé, on sait que les Africains sont pas des couillons, on sait que l'Europe domine l'Afrique, on sait que si vous vous battez contre l'euro, c'est que vous savez que c'est une monnaie de merde, donc vous savez très bien que le franc CFA ou d'autres monnaies sont des monnaies encore plus merdiques que ceci, cela. Et donc, on veut aller dire, on va sauver les Africains pour de vrai. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans la pause où on va aider les Africains, donc Tarzan. On va leur donner du riz, on va leur donner ceci, on va faire des puits, on va faire tout ce qu'on veut. Pourquoi on n'en arrive pas à être dans l'optique d'arrêter de les défendre, de les dire, on arrête de vous tuer, on arrête de vous emmerder, et on vous laisse vivre comme vous voulez? Qu'est-ce qui fait que notre inconscient n'arrive pas à nous dire, ça fait des milliers d'années, des centaines d'années qu'on n'arrête pas de niquer les Africains, au lieu d'aller les aider, on devrait arrêter de les emmerder. Qu'est-ce qui fait que nous, Occidentaux, et vous remarquerez que je me mets dedans, nous, aujourd'hui, Occidentaux, nous n'arrivons pas à prendre cette décision de dire, on va arrêter de piller l'Afrique et on va les laisser se démerder eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Le troisième film dont on va parler, La planète des singes. Maintenant, qui peut venir raconter La planète des singes? Monsieur? Qui peut venir nous raconter le film La planète des singes, s'il vous plaît? Les gens ont réfléchi ensemble, il n'y a pas un intelligent et des couillons. C'est tout le monde, on est ensemble, on participe. Est-ce que quelqu'un peut venir raconter... Non, tu l'as fait... Est-ce que quelqu'un peut venir nous raconter... Monsieur? Tu as vu La planète des singes, le film? Et qui a vu La planète des singes? Qui a vu La planète des singes? Non, mais attends. Eh, qui a vu la planète des singes, s'il vous plaît? La planète des singes, le film. Est-ce quelqu'un qui n'a pas... Ah, viens. Cousin, viens, viens, raconte-nous, raconte-nous la planète des singes, est-ce que tu en as pensé? Non, mais viens, s'il te plaît, viens faire un effort. Raconte-nous ton conscient ou ton inconscient de ce film. Je me présente. Je parle de la planète des singes. Qu'est-ce que je ressens? Déjà, c'est un film de fiction. Donc, il y a eu beaucoup de... Comment dire? Il y a eu beaucoup de comparaisons en fonction de ce film. Le film en lui-même est bien, mais voilà, je trouve que les personnes qui font référence à ce film pour inciter telle personne à critiquer d'autres personnes, c'est-à-dire à les comparer avec à faire ce genre de stéréotypes, je trouve ça lamentable en fait. Voilà, c'est un film de fiction, je vois pas pourquoi il devrait y avoir de comparaison. Sincèrement, voilà. De quoi s'agit-il? Après, il y a eu beaucoup de films. Hein. Après, il y a eu... Je m'en souviens plus. Mais c'est des singes qui viennent sur Terre, je crois, non? Je sais plus. Merci. Merci à toi, cousin. Donc, c'est bon, vous allez pas au cinéma. En fait, la planète des singes, c'est quoi? La planète des singes, c'est quoi? Ce sont des singes qui avant étaient sous domination des humains et en ayant vaincu les humains, se vengent et dominent les humains. Est-ce que ça commence à vous... Est-ce que vous commencez à cogiter maintenant? La planète des singes, ce sont des singes qui, arrivant sur Terre, voient comment les humains ont traité les animaux, donc les singes, ont décidé après de se venger des humains. Bon, et mutation, pas mutation, mais les singes veulent se venger des humains. Est-ce que ça commence à vous faire réfléchir maintenant? Et est-ce que vous arrivez maintenant à faire un copier-coller avec King Kong, Tarzan? Bon, ok, je vais vous dire ce que j'en pense et après vous viendrez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On va faire ça de cette façon-là. Donc, King Kong, j'attrape le nègre, le roi nègre, j'arrive, je le bute. Tarzan, j'attrape le roi de l'Afrique qui est blanc, je le truc, mais je l'aime bien, donc il repart sauver l'Afrique. Ah, j'ai honte et moi, ça me donne envie d'aller sauver l'Afrique aussi. D'aider l'Afrique, c'est pas pareil. Ça me donne envie d'aller aider l'Afrique de ce continent parce que les gens ont besoin d'être aidés. Maintenant, pourquoi je n'arrive pas à sauver l'Afrique, c'est-à-dire à arrêter de piller l'Afrique et arrêter de tuer les Africains et les laisser s'occuper eux-mêmes de leur continent? C'est que on a compris que l'Afrique est un continent riche, que l'Afrique, comme les Émirats arabes, le jour où ils s'occupent eux-mêmes de leur continent, vont devenir un pays puissant. Il faut comprendre que toutes les nations occidentales qui sont devenues des nations puissantes, que l'on parle des Mongols jusqu'aux Anglais aujourd'hui, c'était à tour de rôle celui qui possédait l'esclavage du pays. C'est-à-dire, quand on possédait l'esclavage de l'Afrique, on possédait aussi les richesses de l'Afrique. Et toutes les puissances économiques et militaires d'Europe se sont toujours faites sur le dos de l'esclavage et du pillage des richesses africaines. Donc on en arrive aujourd'hui avec une domination donc anglo-saxonne, qui est la dernière domination franco-anglo-saxonne. C'est pour ça que la France et les gens ne savent même pas à quel point la France est riche. Et dans la dernière domination donc d'esclavage et de pillage des richesses africaines. Nous le peuple on a compris ça, mais on n'arrive pas à dire stop. Pourquoi? À cause de la planète des singes. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et de quoi avons-nous peur? On a peur que les Africains, lorsqu'ils vont se réveiller, lorsqu'ils seront eux-mêmes à même de gérer leur économie et de gérer leur puissance militaire, se vengent. Et donc, dans la conscience occidentale, l'Afrique qui s'en sort, ce sont des gens qui après deviendront méchants, comme l'être humain, tout être humain, et vont se venger. Donc, au lieu de libérer des gens qui vont se venger, on préfère continuer à les dominer, mais en leur donnant de quoi vivre, en les aidant un peu. Ça, c'est l'inconscient que nous on vit tous aujourd'hui. Maintenant, ceux qui sont en contradiction, comme c'est dans un débat, et qui ne sont pas d'accord, peuvent venir prendre la parole et nous dire pourquoi King Kong, Tarzan, la planète des singes, n'est pas ce qui nous amène aujourd'hui à notre vision de l'un de l'autre et qui nous attache les bras et la pensée sur l'égalité des peuples dans le monde entier. Qu'est-ce que prend le micro ? De manière générale, la culture, bien sûr, ça véhicule des idéologies, ça véhicule une position, hein. Donc la culture de manière générale et le cinéma en particulier. Alors, j'ai pas vu ces anciens films dont tu parles, j'irai certainement voir ça, mais il faut pas nier ça, faut pas nier ce point de départ. Par rapport à deux, trois interventions que j'ai entendues tout à l'heure, donc Sébastien, par exemple, le français qui représente que lui, vous parliez de honte. Et que le blanc avait cette honte-là, que le noir avait cette honte-là. Effectivement, on part tous d'un même constat, et il ne faut pas que le blanc ait plus honte que le blanc d'aujourd'hui. Hein, je sais bien, je parle de manière générale, pas que pour toi, mais à travers toi. Le blanc d'aujourd'hui ne doit pas avoir plus de honte que le noir d'aujourd'hui, parce que c'est les parents, les grands-parents qui ont fait les choses. Donc voilà, pourquoi je dis ça ? Parce que d'une manière générale, on peut être français, blanc, se sentir concerné par ces questions-là, mais pas, ne pas avoir ce poids-là, cette responsabilité-là, au point de devenir ensuite, de voir les choses de manière trop extrême. Hein. On est tous ensemble, on vit tous ensemble. Donc, par rapport à cette intervention-là, et une autre intervention d'un jeune homme qui avait donc un t-shirt avec les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs aussi, ça aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, donc, c'est un petit groupe de travailleurs. Hein, ils sont 12 ou je sais pas trop combien, il n'y a qu'une nana. Et puis il y a donc des méchants. Dans cette histoire-là, on a comparé ça au communisme. Donc finalement, le Schtroumpf et le communiste, et les Gargamel et tout ça, ça serait le capitalisme. Donc il ne faut pas être naïf, effectivement, dans la culture, ça, y a une idéologie qui traverse ça. Et voilà, plus proche du micro. Ok, bah voilà. Je vais te lancer une main tendue. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, en fait, on parle comment le cinéma hollywoodien influence les mentalités psychologiques de manière globale ou semi-globale. Premièrement, je n'ai pas ce complexe par rapport aux autres variétés. Et deuxièmement, ce qu'on a fait aux Noirs, on l'a fait également aux Arabes, aux Ayoubides, enfin aux musulmans, parce que de toute façon, pour eux, Arabes, c'est forcément... c'est forcément Arabes, c'est forcément musulmans. Excusez-moi. Je vais me boucher. C'est... L'erreur est humaine, hein, c'est bon, hein, je vais reprendre. Donc en fait, quand le Ayatollah Shah, en fait, en 1978, il a imposé, en fait... que les Américains devaient payer le pétrole, Hollywood s'est mis en fait à faire énormément de films où l'arabe, le berbère, le kabyle, toujours barbu avec un visage ferme, et tu vas voir, ça va te rejoindre dans Tarzan, quand tu faisais King Kong, en fait, il tombe amoureux. J'aime bien les blancs yeux, c'est trop joli, mais dans, par exemple, quand vous prenez les films comme New York, comme La femme avant le déshonneur, comme True Lies, c'est toujours cet arabe barbu avec un AK-47 qui est prêt à buter les États-Unis, la sainte États-Unis. Et parlons de La femme dans le déshonneur, ces Arabes qui sont toujours terroristes, hein, dont on ne sait jamais pourquoi, sont toujours amoureux de la blonde aux yeux bleus, pour ne pas dire la femme pure. Voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas comment on peut éduquer des enfants en montrant des ancêtres qui sont toujours prêts à poser des bombes. Par exemple, quand vous prenez le film New York, en 75, vous avez en fait un animateur américain qui dit « Attention, l'Iran va nous balancer des bombes, il faut qu'on les bombarde avant qu'ils nous bombardent. » Donc, quand on me dit à moi que King Kong, Tarzan, La planète des singes, c'est juste du film hollywoodien, ça fait de mal à personne. Ouais, allez dire ça au mondingue, au Soninke. Ouais, allez dire à ces Africains, les Tutsis que en fait que qu'ils ont. Vous savez, je vais juste faire un lien. C'est que moi j'ai regardé une émission islamique qui parlait de Conga Moussa, l'empereur malien, l'homme le plus riche de toute l'humanité entière, et qui était confession musulmane aussi. Les Ahmed Djiba, ils connaissent ça. Et pourquoi on ne fait pas, pourquoi Hollywood ne fait pas de films sur les royaumes africains, où ces Africains, une chevalerie africaine avec des épées, et pas des sauvages cannibales qui sont en train de danser sur leurs cocotiers et ils n'avaient rien. Parce que déjà, quand Malandjou, il parlait du commerce, il faut savoir que l'Empire du Mali était le centre du monde. C'est un peu comme le Saint-Empire britannique en Europe médiévale. C'était le centre où l'Afrique commercialisait avec les Maures, les Arabes et tout ça. Et tout le monde venait y chercher son or. Il faut voir ce que disent les Arabes, hein, les Malik al-Oumari et tout ça. Ils parlent de l'Empire du Mondaine comme non seulement comme un centre d'énergie, mais en plus, par exemple, quand je prends Malik al-Oumari, il dit mais c'est fou, il règne une paix harmonieuse dans l'Empire du Mali. On peut y laisser son or et on peut revenir 10 ans après et rien ne sera touché. Donc quand Hollywood se mettra à faire des films où ils rétabliront, restaurant l'identité des gens, parce qu'il faut savoir en fait que ce qui est en jeu, c'est le génocide culturel qu'on fait à certains aux Noirs ou à certaines populations. Et si vous n'êtes pas content de ça, vous cherchez Jacques Chahine, qui a écrit un livre sur comment Hollywood arrive en plus, on veut faire l'amalgame, parce que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc voilà, c'est l'intervention que je voulais faire pour dire que voilà, il n'y a pas que les Noirs qui ont été comme ça. Il y a aussi les Arabes, il y a aussi les Indiens d'Amérique. Il y a aussi plein de peuples comme ça qu'on a tué parfois par des films. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc en fait, j'aime pas ce mot arabe en fait. J'aime pas ce mot arabe. Pourquoi j'aime pas ce mot arabe? Parce que le mot arabe ne définit rien, ça définit une région et une langue. C'est-à-dire que tu as des arabes noirs, des arabes métis, des arabes machin, tu as des arabes chrétiens, des arabes musulmans, des arabes juifs. Donc en fait, c'est là je parle bien vraiment de l'Afrique en fait, hein, du continent africain. Et dans de notre vision aujourd'hui inconscient. Donc je trouve ça dommage que vous ne vouliez pas participer, qu'il n'y a pas assez de sincérité, les gens ne veulent pas prendre le micro. J'ai l'impression que je vais être le seul à avoir eu cette vision des films. Ah. Oui, vous nous saoulez un peu, vous parlez que des Arabes, on dirait que vous êtes obsédés. Il ne faut pas exagérer quand même, c'est des êtres humains, il faut les respecter, qu'ils soient ici ou ailleurs. On parle plutôt de musulmans ou d'islamistes. Il vaut mieux parler de musulmans. Plus près ? Oui, il vaut mieux parler de musulmans, mais pas d'islamistes ou d'arabes, c'est péjoratif. On parle, faut respecter les musulmans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Où qu'ils soient, faut les respecter. Nous, on a des calotins, on a un pape, on n'en veut pas, on ne l'a pas voulu. Voilà, allez, à bientôt. Non, pour relativiser un peu le propos, à Malango. Ouais. Pour aller sur l'idée que tu as, en fait, les œuvres que tu as prises, en fait, c'est des œuvres artistiques, c'est des œuvres d'art, on va dire. Et une œuvre d'art, tu peux l'interpréter de plusieurs façons. On peut dire que tu peux l'interpréter d'une manière infinie. Par exemple, sur la planète des singes, tu peux dire, par exemple, la morale de l'histoire, c'est la dialectique de l'esclave et du maître chez Hegel. C'est-à-dire que dans l'histoire, ça peut être, donc c'est-à-dire que dans l'histoire, ce que dit Hegel, c'est que dans l'histoire, t'as une phase où il y a un maître et t'as un esclave. Et à un moment donné, l'esclave va s'émanciper, va devenir le maître. Il va mettre en esclavage le maître. Il va devenir le maître du maître. Donc la morale pourrait être dans la planète des singes qu'en fait, le problème, c'est pas l'homme blanc ou l'homme noir, mais c'est la nature humaine qui est ainsi faite, où soit t'es maître, soit t'es esclave. Et donc, ça peut être une interprétation, tu vois. On peut faire une interprétation aussi par rapport aux animaux. Tu vois, que l'homme maltraite les animaux, mais que si finalement les animaux étaient dans la posture de l'homme, ben, probablement qu'ils maltraiteraient également l'homme. Mais bon, je ne dis pas que c'est l'interprétation. Mais le propre d'une œuvre d'art, justement, c'est que tu peux l'interpréter à l'infini, parce qu'ils font des métaphores. Par contre, dans les œuvres, là, aujourd'hui, entre guillemets, où effectivement l'islamiste ou l'arabe, là, en fait, c'est clair. Parce que là, il n'y a pas de métaphore, en fait. Là, la chose, elle est montrée directement. Voilà, c'est juste pour faire une distinction. Excuse-moi, mais tous les Noirs, on les compara à des singes à l'époque. Donc, dire que c'est pas clair, les Noirs, ils comprennent pas votre, Le déni c'est bien, mais ça fait pas avancer les choses. Faut appeler un chat un chat. On était tous pris pour des singes et les noirs étaient dessinés comme des singes et à une certaine époque. Tu voulais dire quoi? C'est pas moi, c'est la télévision qui a fait ça. Oui, bonjour. Qu'on soit clair une fois pour toutes. L'extrémisme, la violence, tout ce qu'on veut, est quelque chose d'étranger à ce qu'on peut appeler l'islam. Arrêtons de faire des amalgames. Ça n'a rien à voir, ni de près, ni de loin. C'est pas ça qu'on parle. Non, mais je le dis parce que je suis dans votre... Dans ta. Qu'on soit clair, je sais que le sujet est brûlant sur beaucoup d'autres choses qui débouchent sur ce qu'a dit monsieur. Hein, mais soyons attentifs et ne faisons pas les amalgames. On revient sur le sujet. D'accord. King Kong, Tarzan, la planète des singes. Oui, King Kong, Tarzan, c'est une façon de ressentir les choses, je peux comprendre, mais tu l'as dit toi-même, on l'a fait pour d'autres peuples, pour d'autres ethnies. On a fait ça, par exemple, pour les Indiens, passez-moi l'expression, pour passer sous silence la violence, le crime des Américains en ce qui concerne la négation totale, la disparition des Indiens. On a même gagné de l'argent parce qu'on a fait des films de cow-boys, tout ça. Et qu'on voit ça dans une soirée où on se détend. Or que derrière cette façon de présenter l'Indien comme l'exécrable et puis le cow-boy, le justicier, il y a des drames immenses qu'a connu notre différentes époques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc là, on est en train de comprendre que la culture qui est... comment dirais-je, mise en place par le système dans lequel nous vivons, elle n'est pas faite d'une façon anodine. Les films ne sont pas faits de façon anodine, les livres ne sont pas écrits de façon anodine, et ce qu'on apprend à l'école, les livres d'histoire ne sont pas faits de façon anodine. Donc est-ce que, par rapport au sujet, moi j'avais choisi King Kong, Tarzan, la planète des singes, et monsieur a rajouté donc les films de cow-boys et des Indiens, est-ce qu'on peut comprendre qu'on doit reprendre nous-mêmes la culture en main et de faire attention à comment on éduque, comment on envoie nos enfants au cinéma, et ceci, cela. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire, ah ben non, moi j'avais pas pensé ça dans King Kong et Tarzan, parce que j'avais vu ça autrement, par exemple, je sais pas. Mais est-ce que vous trouvez pas étonnant qu'aujourd'hui, en 2016, on n'arrive pas à arrêter de piller l'Afrique et de bombarder l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas un inconscient chez nous, occidental, de peur d'une Afrique indépendante? Déjà malheureusement je pense que on se pose pas tous la question, malheureusement on se la pose pas assez la question, clairement les gens ils y pensent pas tous les jours, après c'est très triste. Je pense le plus gros pourquoi c'est toujours le même problème, c'est il y a des richesses. Donc s'il y a des richesses, il y a des puissances qui sont là pour les avoir. Et on a beau nous vouloir le faire, ils seront là pour nous attendre et défendre ces richesses là et nous empêcher de laisser l'Afrique se réveiller, etc. Donc même si on est très volontaire, en plus de ça, on va devoir se frotter à des... Voilà ce que je répète, il y a toujours ces richesses-là. Donc c'est ça, moi, mon problème, en fait. Donc après, je suis d'accord qu'il faut aussi que déjà nous, on soit volontaire dans notre inconscient de vouloir aller dans ce sens-là. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens qui se dirigent là-bas, ils ne sont pas d'accord et ils ne nous laisseront pas faire, ils ne nous laissent pas faire tous les jours. Donc il suffit pas... Enfin, il faut aussi avoir les moyens... de comment on peut défaire ces gens-là, parce que c'est ces gens-là qui tiennent le truc. Donc après, je pourrais dans ton sens quand même, c'est vrai que du coup, en plus, les films faits par Hollywood, etc., en plus, vont engrainer l'esprit des gens à ne surtout pas chercher plus, tout simplement. Et ça, c'est clair. En plus, comme tu peux dire, voilà, ça peut nous mettre dans un esprit de bien-pensance, voilà, on a fait notre part, normalement c'est pas vrai, on y va, on les aide, c'est vrai, ça peut nous mettre dans cet esprit-là. Donc voilà, moi mon gros problème c'est qu'il y a toujours des véritables ennemis. Après je suis d'accord avec toi qu'on doit les combattre par la conscience de tout le monde. Et juste, ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, ouais, pour la culture, moi j'ai encore espoir personnellement, la culture c'est ouvert à tout le monde, c'est très très difficile. Mais on a encore les moyens, peut-être, il y en a qui ont encore la chance de pouvoir faire un film, un court-métrage, tout ça, c'est encore libre, tu vois. Donc c'est pas, y a pas une mainmise sur toutes les chaînes de production, on a encore le droit de dénoncer certaines choses. Donc je crois en la culture qui peut émanciper, il y a pas que de la culture négative, je pense qu'il faut surtout justement, après comme tu dis, il faut amener ses enfants voir des films comme ça, et voilà, plutôt émancipateur, et bien sûr que qui nous complaise dans la pensée, voilà. C'est tout, je peux plus. Est-ce que quelqu'un d'autre? Ouais. Oui, moi je pense qu'il faut juste. Je pense qu'il faut tout simplement inciter toujours les gens à avoir leur propre opinion. Et à développer leur esprit critique et de discernement, ce qui est très important dans tout. Développer un esprit critique, c'est ne pas accepter tout et n'importe quoi comme étant la vérité absolue. Il faut se poser toujours des questions et essayer de chercher par soi-même au lieu d'être formaté et d'accepter tout. Quand il y a des émissions télé, par exemple, ils proposent le sujet qu'ils veulent, les experts qu'ils veulent, les pseudo-experts qu'ils veulent, et l'analyse qu'ils voudraient qu'on assimile. Non, moi je suis pas d'accord, j'ai aussi un cerveau, une matière grise, j'ai un esprit que je veux développer critique, et je veux me poser d'autres questions. Je suis aussi un expert de terrain. Je vis au quotidien les problèmes. Je suis attentive à ce que je vis, à ce que je subis. J'ai aussi fait des études. Même ceux qui n'ont pas fait des études pourraient être aussi des experts de terrain. Ils ont quelque chose à dire par leur expérience. Et développer un esprit critique ne veut pas dire que vous réfutez tout, ne veut pas dire que vous êtes des complotistes, mais tout simplement vous enrichissez le savoir et la connaissance. C'est tout. Et dans l'esprit critique qu'on a aujourd'hui, comment expliquer le développement intensif des ONG, des aides humanitaires, du soutien aux pays pauvres et autres? Comment arriver à comprendre que l'être humain ne sait que mettre des pansements, mais qu'il n'arrive pas à taper, à arrêter de taper? C'est-à-dire que j'aime ma femme, je la soigne. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai tapé, mais bon, j'y peux rien. Et comment on arrive à rester dans cet état d'esprit et à ne pas pouvoir dépasser ce stade, ce dilemme, ouais. À mon avis, actuellement, on est dominé par des grands groupes multinationaux. Donc, tu vois, tu parlais de films d'époque. À l'époque, effectivement, il y avait l'esclavage. Effectivement, voilà, on peut penser que les films puissent être manipulés par certains films. J'en sais rien. Mais il faut juste savoir que les Américains, ils mettent l'argent dans la culture, dans leurs films. Ils investissent. Même quand ils sont dans certains pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ils défendent leurs intérêts. La France fait pareil. Sauf que l'Afrique, quand on voit nos gouvernements, ils ne défendent pas nos intérêts. Et on peut aussi se poser la question, pourquoi les gouvernements africains ne voient pas leur intérêt plutôt que... voilà. Non mais, voilà. Bon, quant aux ONG, moi je pense qu'actuellement, tu poses la question à un jeune, c'est qui Nelson Mandela? Il y en a plein qui ne le connaissent pas. Donc quand tu parles de King Kong à l'époque, les manipulations, ils s'en foutent les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est l'information actuelle. Tu vois, les ONG, c'est comme si tu me disais que Mère Teresa, elle a passé son temps en Inde à manipuler les Indiens. Je pense pas. C'était une religieuse qui a sacrifié sa vie. Non. Elle fait partie d'une ONG. C'est pareil, mais tu... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG, ils agissent à l'extérieur, mais il y a des pauvres en France. ils agissent en France aussi. Je sais pas, sur le soir, regarde. Non, mais ils font le tour en France, les ONG. Ils posent une très bonne question. C'est. Bon, pour on va aller même plus loin. Vous savez tous qu'il y a des soldats de l'ONU en Afrique. Ok, les soldats de l'ONU. C'est parce que, vous savez, les Africains là, qui sont comme dans la jungle et qui embêtent Tarzan et qui vont à la chasse à King Kong, ils ont besoin qu'il y ait des militaires pour les sauver. Mais comme nous en France, on est intelligents, on n'a pas besoin d'avoir d'ONU autour de nous. Et donc, tu reviens vraiment sur le centre. Il y a des gens qui meurent de faim en France, mais il faut absolument qu'on envoie des ONG en Afrique, qu'on envoie des millions en Afrique. Comment ça se fait-il que nous, humains, qui comprenons qu'on est manipulés, on continue à marcher avec ce système? Est-ce que ces films, King Kong, Tarzan, La planète des singes, ne nous amènent pas dans cet état d'esprit où les pauvres petits Africains qui sont dans la jungle sont bien plus pauvres que nous, qui quand même avons des gros immeubles et qui roulons dans des belles voitures? Non, mais moi, justement, que tu dis ça, je reviens sur ce que vient de dire la dame. Elle dit, on peut voir les gens qui viennent avec leur sujet, leur spécialiste, mais ça l'empêche pas d'avoir son esprit critique. Et c'est ce qui se passe ici. Tu viens avec ton sujet, ta spécialité, l'Afrique, mais ça m'empêche pas d'avoir un esprit critique par rapport à ce que tu dis. J'avale pas tout ce que tu dis. Maintenant, c'était quoi ta question? Comment ça se fait que l'Afrique, tout ça? Mais c'est tout l'intérêt d'une multinationale ou d'un... Je ressens. Excusez-moi. Enlevons le mot Afrique, enlevons le mot Occident, parlons humain, d'accord? Donc là, on vous a parlé de films, que ce sont des êtres humains qui vont voir. Donc des êtres humains, regardant ces films, sont influencés, sont culturalisés par ces choses. Ensuite, ces êtres humains que nous sommes vont avoir des actions le lendemain, vont avoir des pensées. Donc revenons sur l'humain. Là, parlons plus d'Afrique, parlons plus d'Europe, parlons d'humains qui ont une pensée sur tel ou tel genre, tel ou tel sujet. Et recentre ton propos et tes critiques sur nos actions en tant qu'être humain. Pourquoi aujourd'hui, on peut envoyer des millions, des armées, des trucs à ramener du sucre et du café en Afrique pour aider les Africains parce qu'ils n'ont pas de quoi boire du café, et qu'on n'arrive pas à arrêter le chômage ou les SDF ici. Enfin, pourquoi dans notre inconscient, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus vital d'envoyer des ONG là-bas? Et pourquoi on n'arrive pas à dire stop à ce système, arrêtez d'envoyer des militaires en Afrique, arrêtez le franc CFA, arrêtez le pillage? Quelle est cette peur inconsciente qui fait que nous, citoyens européens, on se dit... Mais le jour où les Africains seront indépendants, ils vont faire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas cette donnée chez l'Européen que tu es, que je suis? Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est que nous avons aujourd'hui tous la même culture. Hein, quelle que soit notre couleur de peau, on est tous élevés avec la même école, avec le même film, avec le même cinéma, avec les mêmes bouquins de merde, écrits par les mêmes personnes de merde. Est-ce que, excusez-moi pour le mot, mais est-ce que nous, ici, notre cerveau n'est pas, formaté par ces gens-là? Et est-ce que tu penses vraiment, toi, lorsque tu me parles de l'Afrique, puisqu'on va rentrer dedans, non, je vais pas t'influencer ta réponse. Reviens dans l'humain et pas dans le. Si je reviens dans l'humain, ce qui est sûr, c'est que quand je vais voir la prochaine fois King Kong, La planète des singes et puis Tarzan, tout ce que tu viens de dire va ressortir forcément. Je vais plus voir Tarzan de la même façon, je vais plus voir King Kong de la même façon, et je vais voir derrière peut-être des pseudo-manipulations. Il faudrait qu'à ce moment-là, que j'ai mon esprit critique qui me dit bon, il racontait que des conneries, faut que je fasse gaffe, c'est juste un film d'animation, mes gosses, ils ont le droit d'avoir peur, parce que voilà, c'est un gros gorille, et on reste simple, hein, basique. Pourquoi on s'occupe plus des Africains ou des Asiatiques ou des pauvres d'ailleurs qu'ici? Moi, je dis que c'est complètement faux ce que tu dis. On s'occupe autant des pauvres ici que des pauvres à l'étranger. Sauf qu'il y a un budget pour tout. C'est de la politique que tu es en train de faire là. Tu vois, il y a un budget pour tout. L'Europe a un budget pour aider les pays sous-développés. Mais ce budget-là, il n'est pas attribué en totalité aux pays qui en ont besoin. Déjà, ça, c'est un premier problème. Il faut que les gens rentrent en politique, soient actifs, interviennent. Pardon ? Mais les pauvres d'ici, c'est de la politique aussi. Quand tu prends un budget, un montant, et que tu dis, voilà, j'en mets tant pour le logement, tant pour l'emploi, tant pour les entreprises, tout ça, ce sont des choix politiques. Et voilà, il faut rentrer en politique, il faut être actif, il faut voilà, influencer son député. On ne te demande pas d'aller dans un truc voter, il faut juste écrire à ton député. Ce n'est pas normal que je rencontre 10 pauvres en traversant la République jusqu'à Belleville. Voilà, il faut que tu écrives. Et... Madame, rapprochez-vous. Est-ce que toi, tu te vois aller au travail, aller à ton bureau, voir un SDF là, une grand-mère qui n'arrive pas à payer son loyer, un ceci, un cela, arriver à ton bureau, l'autre il vient et dit donnez-nous pour aider l'Afrique. Toi tu dis Tarzan, tiens, je te donne l'argent. Et les trois et tous les Européens que tu as vu qui étaient en galère, dans ton cerveau, c'est pas ça que tu vas te dire. C'est le film, le cinéma et la publicité et la culture qui te dit non, il faut aider l'Afrique. À mon avis, c'est... Bon, après, je vous donne ça tout de suite. À mon avis, ce que tu es en train de dire, c'est un peu défendre ce que font les gens d'extrême droite. Ils se disent comment ça se fait qu'on accueille tous ces étrangers, ils ont qu'à rester chez eux, etc. Quelque part, c'est ce que tu es en train de dire. Aidons d'abord les pauvres. Non, mais attends, on peut interpréter ça comme ça. Sauf que... Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Ils viennent ici, mais ce qu'ils demandent au fond, c'est de rester chez eux. Il y a des politiciens justement qui sont en train de dire il faut les aider à rester chez eux. Et voilà, les ONG, voilà, c'est de la politique. Est-ce que je peux dire deux mots entre deux hauts fonctionnaires? Alors, premièrement, ce qui se passe maintenant, juste, alors, je m'appelle Maria Koleva, j'ai 500 films, et je n'ai plus rien passé à la télévision française parce que je n'ai pas fait les films avec l'argent de la télévision française. Donc, si vous faites des films comme ça, si vous montrez des Français, oh là là, pas des Français sur Arte, pas des Français sur la télé française, surtout quand c'est des films politiques, sociaux, et puis c'est les leçons de théâtre d'Antoine Vitesse qui sont diffusées dans tous les lycées, tous les cadres ont appris leurs enfants à jouer dans la vie à travers mes films. Mais travailler pour les autres, c'est pas possible. Voilà. Maintenant, je voulais vous dire que les débats ici sont très limités parce que vous ne pouvez pas gérer cette société-là. Elle est terminée. Donc, si tu veux recevoir ton salaire, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, les banques vont s'écrouler. Et donc, tu n'as pas le choix. Donc, c'est pas la peine. Oui. Non, on se connaît un peu. Je vais recentrer sur le sujet. Non, sur ce sujet. Non. S'il te plaît. On se connaît un peu. On a beaucoup parlé. Tu vois? Et d'ailleurs, le premier qui dit encore que ma spécialité c'est l'Afrique, je lui dis va te faire voir parce que je suis un être humain et je suis africain, c'est pas ma faute, mais on peut parler d'autre chose, ok? Donc je suis pas spécialiste de l'Afrique ni machin. Mais attends deux secondes. Non, on parle pas d'Afrique. On parle pas d'Afrique. Je te recentre pour comme tu es là, on va recentrer le débat. On parle culture. Voilà. Donc la question du sujet aujourd'hui, madame, écoutez, la question aujourd'hui c'est le film King Kong. Le film Tarzan, le film La planète des singes, quelle est la retombée sur notre conscient, notre inconscient et notre subconscient? Qu'est-ce que cette culture cinématographique nous a amené à nous, entre êtres humains, dans notre vivre ensemble? C'est la question qui peut être te ramener à répondre à d'autres sujets, mais te recentrer sur la culture, le cinéma, les livres. En fait, comment on est élevé, comment on est éduqué par ces gens-là? C'est ça le truc. Par les gens qui nous gouvernent. Mais pourquoi vous croyez que vous êtes éduqué? Vous n'êtes pas éduqué. Il n'y a pas d'éducation culturelle. C'est terminé. L'éducation culturelle est laissée au marché. parce que tout vient des États-Unis et tout vient d'Allemagne. Et la social-démocratie allemande a introduit à travers Maastricht 1986 dans les régions partout des miettes. Ça veut dire, vous écoutez ce que la région, pourquoi la région vous donne de l'argent, et ils ont éliminé la politique, le social. Il fallait faire du divertissement, monsieur. Est-ce que je réponds? Il fallait faire du divertissement et du cul. C'est ce que disaient mes techniciens à TF1. Parce que moi, pour faire tous mes films, mes techniciens travaillaient gratuitement pour mes films, parce qu'ils recevaient beaucoup d'argent dans le cinéma des riches producteurs, et ils voulaient aussi qu'il y ait un autre cinéma. Donc, c'est eux qui, par moment, même payaient la pellicule et tout. Donc, je ne peux pas me plaindre. J'ai vécu dans le communisme primitif et j'étais heureuse. Les films sont très importants. Il faut aller sur YouTube, Maria Koleva, faut-il faire sauter Bruxelles avec Emmanuel Todd et à École Normale Sup pour sortir de l'euro, et plein d'autres films. Mais si vous voulez avoir de culture, aujourd'hui, il faut faire comme moi. Construire en parallèle tout ce que vous voulez dire. Ça veut dire ne rien attendre du pouvoir, ne rien prendre du pouvoir, parce qu'à partir du moment où il vous donne un centime, il exige une censure qui n'a jamais existé nulle part. En France, il y a dans les médias une censure monstre. Alors, pour discuter des films américains d'il y a 30-40 ans, à l'époque, ils m'ont plu, mais aujourd'hui, je suis sûre qu'ils ne me plairont pas. Et donc, oui. Et pour avoir une vraie culture où chacun puisse s'exprimer, moi je disais aux gens, j'ai fait 25 ans du cinéma en appartement. Les gens venaient regarder mes films en salle, chez moi. Ça veut dire un petit espace comme ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il y avait un débat comme maintenant ici. Sinon, ce vidéo maintenant est mille fois plus grand, mais il y avait un débat culturel, éducatif et tout. Et ça a disparu parce que, et non, parce que tout ça a disparu. Comment j'ai commencé à faire? Tout simplement parce que ça vous intéresse. Ça veut dire, les salles à essai de cinéma de Truffaut, de Godard, étaient vendus aux Américains, pas officiellement, mais ils sont passés aux Américains. Et moi, je mettais mes films de midi à 2h et je projetais même la fête de l'Humain 72, l'Union populaire et tout ça. Mais après, on ne pouvait plus rien faire. C'était terminé. Et alors, les gens avec qui je travaillais m'ont mis un écran. J'avais mon projecteur avec lequel je faisais les projections en salle et j'ai continué. Et donc, oui, et oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est que il faut oser projeter à la maison des films. Mais comme la social-démocratie, c'est ni coupable, ni responsable, 30 ans, ils vous ont appris à ne jamais prendre aucune décision tout seul. Donc, est-ce que tu peux prendre une décision? Non. Est-ce que toi, tu peux, mais bon, tu viens d'ailleurs. Est-ce que qui peut prendre une décision tout seul? Personne. Ça, c'est pour ça que le pays attend que la révolution leur tombe du ciel. Mais je vois pas, hein. Non, c'est pas possible. Et dans ces conditions, je vous suggère et je vous oblige même de faire ce que mes spectateurs, à qui je conseillais, devient psychiatre, il est devenu psychiatre, devient ceci, il devenait cela. Mais personne n'a voulu donner aux autres quelque chose. Donc, il faut donner beaucoup pour recevoir aussi un peu. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de l'intervention. Donc, je vais prendre juste les dernières questions et puis ensuite, je laisserai l'intervenant conclure. Ouais. Non, sur les effets psychologiques sur les téléspectateurs par rapport au film que tu as cité, je pense que le principal danger, c'est que les spectateurs croient aux archétypes. Et que notamment, par exemple, qu'ils prennent les acteurs, comme des, qu'ils prennent les héros comme des modèles. Tu vois, je pense que c'est ça le danger, en fait. Parce que du coup, si, entre guillemets, le téléspectateur noir, il s'identifie à King Kong ou, par exemple, comme tu disais, au singe, donc du coup, il va intégrer qu'il est comme ça. Et donc, il va perdre confiance en lui. Il va pas réussir, disons, à s'émanciper, quoi. Donc, pour moi, le danger, il est là. De la même façon que si un téléspectateur blanc s'identifie, par exemple, à Tarzan, donc il va se mettre lui aussi à se croire supérieur, entre guillemets, au noir. Donc, pour moi, le danger, il est là. Donc, il faudrait imaginer un cinéma qui donne confiance à tout le monde et qui propage, au contraire, le partage plutôt que la dialectique du maître et de l'esclave. Donc, je te laisse conclure, du coup. Donc voilà, donc les dernières paroles disent exactement ça, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes dans un système où l'éducation et la culture est prise en main par des gens. Ce sont ces mêmes gens qui nous couillonnent, ce sont ces mêmes gens qui créent les guerres, ce sont ces mêmes gens qui possèdent les banques. Ce sont ces, il faut savoir que le président de EDF ou le président de Alstom ou le président de Unilever, il était à la même école que le premier ministre du Zimbabwe, que le Premier ministre de France, que le Premier ministre de Londres. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la même école. Donc ils sont tous en train de faire cette politique. Et donc ils nous formatent dans un système dans lequel on est. Si moi, Américain ou Français, j'ai jamais été en Afrique, étant jeune, et que je vois ces films-là, King Kong, Tarzan, pour moi, c'est l'image que j'ai de l'Afrique. Si moi, je suis Africain, et que je vois un John Wayne, super-héros, qui gagne tout et qui est super gentil, pour moi, c'est ça, l'Europe. Voilà. Donc, on a l'effet perverse donc de King Kong, Tarzan, mais aussi l'effet perverse de Superman, du gentil blanc qui va sauver le monde. Donc en fait, c'est comment nous aujourd'hui on arrive à prendre du recul sur ces choses et comment on arrive nous à reprendre confiance en nous. Comme l'a dit Madame, il faut qu'on refasse une culture, il faut qu'on se reformate autrement. Mais il faut qu'on soit conscient de ce qu'ils nous font. C'est-à-dire que si je n'ai pas conscient que le film que je vais voir, pour lequel je vais envoyer mes enfants à l'école, sont un film qui va le mettre dans la merde intellectuellement plus tard, je le mets dans la merde, mon enfant. Tu veux dire ? Donc moi, je m'appelle Mamadou Sidibé, et j'emmène mes enfants voir Tarzan, et je dis « Ah, t'as vu Tarzan ?» Et les enfants, ils ressortent de là, ils disent « Moi, l'Afrique, j'y vais plus. Moi, l'Afrique, j'y vais pas. » Je vais aller bosser chez Alstom et je vais construire des armes pour aller niquer ces abrutis qui n'arrêtent pas de se battre. Parce que ce soit la télévision, le journal télévisé, ou que ce soit le film, il m'a montré cette image de l'Afrique. De l'autre côté, il m'a montré cette image de l'Européen. Il m'a montré cette image de l'Américain. Il m'a montré cette image de l'islamiste. Je veux dire. Et donc, tous ces cinémas et tous ces médias nous mettent dans une structure mental qui nous met les uns contre les autres et qui nous met nous-mêmes psychologiquement en mal-être avec nous-mêmes. Si aujourd'hui on boit de l'alcool comme des cons, qu'on se suicide, tout ça, c'est parce que on lit des livres, on voit des films, on regarde des médias qui nous disent nous sommes des cons, nous sommes tristes, nous sommes des salopards, nous sommes machin, nos parents sont trucs, patati patata. Et donc, comment sortir de là ? Je pense que sortir de là, c'est prendre conscience de tout ça. Donc si on continue à allumer BFM, allumer TF1 ou à lire Alice au pays des merveilles sans voir que Alice est une petite fille écrit une histoire écrite par un pédophile qui viole des enfants de 5 ans. Tu veux dire, parce que même Alice au pays des merveilles, c'est grave. Je veux dire, donc ces mecs là ils nous ont mis dans des trucs de ouf. Donc nous, quel recul et quelle autocritique nous pouvons avoir sur tous ces livres? Il y a monsieur tout à l'heure qui nous dit oui, ce qui se passe en Afrique, c'est de la faute aux Africains et pas de la faute à ces films de cinéma. Je vais terminer par là, qui me disent quelle est la faute d'un Africain sur la domination africaine. Qui me disent quel est le rôle d'un président africain aujourd'hui sur la domination africaine. Il n'en a pas parce qu'il ne voit rien. Les gens disent Bokassa c'est un dictateur. Je vous mets au défi d'aller voir Bokassa, il n'avait rien le mec. Il possédait rien, il n'avait rien. C'est la France qui a payé son hôtel, c'est la France qui donnait du diamant, c'est la France qui donnait ci. Le mec il était juste assis sur un trône. Non, Bokassa distribuait pas les diamants, Bokassa achetait les diamants. C'est-à-dire que, ok, on va parler de la Centrafrique. Non, mais ce qu'il vient de dire est très intéressant. Quand Madame parle, elle dit Bokassa distribuait des diamants parce que c'est ce qu'ont dit les médias français. des vérités qui se disent. Okay. Non, bon, je vais arrêter. Ok. Bon, on va changer. Bon, voilà ce qui se passait pour Bokassa. Les multinationales occidentales, suisses, françaises, allemandes, israéliennes, anglaises, possédaient le terrain. Ensuite, la politique française dirigeait le terrain. Ensuite, le FMI et les banques mondiales donnaient de l'argent au pays. Lorsque Bokassa achetait un diamant, c'est qu'il avait de l'argent par les banques mondiales. Ce n'est pas son travail qui faisait de l'argent. Bokassa était salarié. Donc, le salaire de Bokassa faisait qu'acheter des diamants. Mais c'était rien, c'était infime par rapport à ça. Si Bokassa disait non, je ne veux pas donner des diamants, il était mort. C'est-à-dire que la vision aujourd'hui qu'on a de l'Afrique, c'est encore une vision Tarzan, King Kong, la planète des singes et des médias télé. Parce que même les Africains qui t'ont dit, c'est la même façon, monsieur est un exemple. Oui, mais monsieur est un exemple. Monsieur est un Africain. Monsieur va nous dire que l'Africain est indépendant et que les politiques africaines sont indépendantes. Je veux juste faire une petite parenthèse pour juste dire que si on est dans cette situation-là en Afrique, ce n'est pas que de la faute de la colonisation. Il y a aussi eu des défaillances de certains politiques africains. C'est tout ce que je dis. Il y a eu la colonisation, mais il n'y a pas eu que. Il y a monsieur qui veut parler. Et monsieur termine, après je termine. S'il te plaît. Et pour une fois que les gens parlent, c'est bien. Monsieur. Non, il n'y a personne qui parlait depuis le début. Salut. Je trouve le thème très intéressant. C'est dommage qu'on s'égare un peu des fois. Pour parler cinéma, pour avoir un peu réfléchi sur la question du cinéma israélien et palestinien, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est passé pendant les 60 ans d'occupation palestinienne. C'est au départ, le regard qu'on a sur le palestinien, c'est le regard du sauvage, brutal, un peu comme le gorille, le primate. Ensuite est venue l'image du bon sauvage, avec lequel on a un rapport très paternaliste. Et aujourd'hui enfin, les Palestiniens se mettent à faire des films. Et là, on voit quelque chose de différent, un nouveau regard, le regard de celui qui était opprimé, le regard de celui qui n'avait pas, au final, le beau rôle, l'anti-John Wayne. Et c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose d'important. C'est comme ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est la parole. On a donné la parole aux Palestiniens. C'est encore marginal. Il y a encore d'énormes efforts que les sionistes font pour essayer d'empêcher les Palestiniens de projeter leur culture, de projeter leur vision du cinéma, d'essayer de faire parler au monde de ce qu'ils vivent dans leur pays. Mais ils ont commencé à développer cette chose-là. Donc, la question importante, elle est là, je pense, c'est la projection, le regard, le fait de pouvoir arriver à diffuser, c'est ça, la diffusion des œuvres culturelles, que ce soit de Palestine, du monde arabe ou d'Afrique. Il faut qu'on parle d'un cinéma, qu'on ait la vision d'un cinéma africain critique sur ce qui se passe en Afrique, sur les relations de collusion qu'il y a entre l'Afrique et la France. Tout comme les Palestiniens aujourd'hui essayent de parler de l'occupation, de la collusion, la corruption, de leurs propres élites. Parce qu'en Afrique, c'est pareil. Les élites africaines sont complices, sinon pire encore, que nos dirigeants ici qui pratiquent la France-Afrique, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est ça le message, c'est essayer de faire diffuser les œuvres d'un cinéma subversif. C'est pas seulement le cinéma, c'est bien sûr, c'est la littérature, c'est tout ça. Et ouvrir des forums, ouvrir des festivals alternatifs, il y en a déjà plein. Mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de développer au maximum pour arriver à développer l'esprit, à retrouver l'esprit critique qui a tendance à vraiment sombrer ces temps-ci en France, malheureusement. Merci. Donc ce que vient de dire notre interlocuteur, c'est le jour où les lions auront leur historien. Vous avez compris ? Le jour où les lions auront leur historien, on ne racontera plus l'histoire du chasseur par la voix du chasseur. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chasseur a toujours le bon rôle, mais le jour où le lion va raconter comment le chasseur l'a tué, ben, ce ne sera plus forcément le héros, le chasseur. Donc c'est ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, il faut comprendre que il y a des gens dans notre culture, comme on dit, dominante intellectuelle, nous font passer des messages, et nous, en tant que peuple, on doit dire... Faudrait peut-être que je me questionne. Mais est-ce que nous, on a cette capacité, cette envie de se questionner, de dire, est-ce que je peux aller voir la réponse de l'autre? Et c'est ça le danger de King Kong. Et si l'Africain avait écrit King Kong, qu'est-ce qu'il aurait fait comme film? Tu vois, c'est ça. Et excusez-moi, en fait, pour arriver à désapprendre, à nous rattraper, à nous remettre d'accord entre nous-mêmes, il y a éducation debout, éducation populaire, c'est tous les week-ends, tout sur la place, tout le temps. Mais il y a du matériel, il y a des trucs, il y a des suivis et tout. Donc ça coûte un peu d'argent. Comme vous savez, la mairie ne nous aide pas, l'État fait rien. Donc Nuit Debout est là pour faire tout ça. Et donc Madame passe avec une petite caisse. Et tous ceux qui veulent participer et que cette éducation populaire puisse continuer et que Monsieur par exemple qui vient de parler fasse un sujet une prochaine fois sur le sujet qu'il a envie, puisque Nuit Debout n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Et éducation populaire appartient aussi à tout le monde. Donc si vous avez des idées et des envies de partager et faire réfléchir les gens avec vos propos, n'hésitez pas à venir à Debout Éducation Populaire et en attendant, aider à mettre quelques trucs dans la petite boîte. Voilà. Une question encore. Voilà. Et moi, ma question, voici, et ce qui me faisait peur un peu. C'est vraiment un débat extrêmement très important, mais extrêmement très dangereux. Et pour quelles raisons il est dangereux? Et les Européens ne veulent absolument jamais que l'Afrique se réveille. Est-ce que ce n'est pas à la base, parce que c'est la première fois que je rencontre cette organisation et débat public. Est-ce que ce n'est pas une autre stratégie? Depuis un siècle, l'Afrique est en retard, l'Afrique subit. Est-ce que ce n'est pas encore le moyen donné l'impérialisme de gagner encore du temps, de permettre des Africains de s'exprimer à une telle structure et leur pensée, leur façon de voir les choses, de permettre encore les Européens encore gagner davantage sur l'Afrique? Moi, j'aimerais bien, j'ai plein de choses à m'exprimer, mais je me réserve d'abord de savoir quelle base vous avez et qu'on s'est consulté et pour que je puisse me permettre de parler clairement et ce que je a dit entre l'Afrique et France et les réponses particulièrement. Donc en fait tu réponds à la question qu'on venait de dire. Debout Éducation Populaire appartient à tous les citoyens, qu'ils soient français et autres, comme Nuit Debout appartient à tout le monde. Donc la question est, si toi tu as envie de faire partager tes idées et de faire réfléchir ensemble, tu viens voir les gens qui s'occupent du stand ou de l'animation et tu proposes ton sujet. Donc tu dis voilà, moi j'ai tel sujet, j'aimerais parler de telle chose et échanger avec les gens sur ce sujet-là. Et ils te diront oui, tel jour. C'est tout. Donc la question est de savoir, est-ce que les Européens veulent écouter les Africains? Effectivement, quand tu écoutes Tarzan, King Kong, non. Ok. Maintenant, est-ce que l'Africain, est-ce que... D'ailleurs, je vais te demander une chose. Est-ce que le chasseur veut que le lion tienne l'arme? Voilà. Ben maintenant, le lion doit se trouver un moyen pour prendre l'arme. Mais d'accord. Donc la question n'est pas de savoir si l'Européen veut que tu parles. C'est toi de te dire... Comment je peux faire pour avoir la parole? Et donc d'aller vers la personne et de voir les tenants et les aboutissants de la chose. N'attends pas que ce soit l'autre. Comme on dit, la liberté ça se prend et le respect ça s'impose. Donc n'attends pas que l'autre te vienne en aide. Monte, voilà, c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Donc si toi tu as envie de proposer, regarde, il y a Sébastien qui est là. Il y a Sébastien qui est là, qui est assis là. Tu dis, tiens, Sébastien, comment tu t'appelles, Matadilata? Tu discutes avec lui. Et tu verras que demain, après-demain, la semaine prochaine ou dans deux semaines, tu auras ton sujet, tu auras ton propos. Voilà. Donc là, l'heure est dépassée. Je ne sais pas si vous avez tous compris et tous entrevu l'idée de pourquoi parler de ces trois films. Et je ne sais pas si on doit recommencer. Et levez la main tous ceux qui ont à peu près compris l'idée du débat, du sujet. Voilà, donc on n'a pas besoin d'en recommencer un. C'est vraiment, nos cerveaux sont formatés par la culture. Parce que la culture, bon, je vous donne un exemple. On a ce qu'on appelle les intellectuels. Il y a des intellectuels qui parlent de paix, d'amour, d'intelligence et tout ça. Ils écrivent des bouquins. Leurs bouquins sont vendus à 10 exemplaires, 20 exemplaires, 15 exemplaires. Ils sont connus entre 500 personnes qui, eux, sont des intellectuels machin, tout ça, tout ça. Ok ? Maintenant, on a le comique, on a le chanteur. Le comique et le chanteur font le même boulot que l'intellectuel. C'est-à-dire qu'ils parlent des mêmes sujets. Cependant, il y a 5 millions de personnes qui ont entendu ce qu'il a à dire. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment se réapproprier la culture, comment se réapproprier le message. Et je pense que l'éducation populaire et la discussion qu'on a entre nous peut nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que de laisser la parole à toujours ces mêmes personnes qui, eux, sont soi-disant abonnés ou décideurs dans la pensée, dans l'intelligence. C'est pas question juive ou pas. C'est, je veux dire que Coluche et Balavoine ont appris beaucoup plus de choses aux gens qu'un intellectuel qui a vendu 20 bouquins. Ça veut dire. Donc, c'est... D'accord. Je voulais répondre au jeune homme, là. Le problème palestinien, c'est l'un des drames du siècle. Et d'abord, poser la question, il faut que le peuple palestinien soit libre. C'est toujours des excuses par la bande. Leurs dirigeants sont des pourris, Arafat était pourri, ceci, cela. Ça, il faut le mettre de côté. Aujourd'hui et depuis longtemps, la question essentielle, c'est que le peuple palestinien retrouve sa liberté sur sa propre terre qui a été volée. C'est le plus grand hold-up du XXe siècle. Il faut qu'on en soit conscient. Et il y a une chape extrêmement lourde. En France, il y a une complicité en France pour qu'il n'y ait rien du tout en ce qui concerne la Palestine. Que ce soit une exposition, que ce soit une conférence, que ce soit un débat, c'est une chape totale. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le CRIF, le fameux dîner annuel du CRIF, c'est là où le pouvoir français est invité et il dicte sa politique future à l'intérieur et à l'extérieur, la politique de France. Vous n'êtes pas non plus savoir que depuis des années, le CRIF est en train, à chaque fois il revient à la charge, pour demander à ce que la France accepte de déplacer son ambassade à Jérusalem. Tout ça, il faut le savoir. Moi, je suis d'accord avec vous que la critique des dirigeants, le peuple a le droit de critiquer ses dirigeants, mais je crois qu'il y a des priorités où nous devons, normalement, mettre des priorités. D'abord, que le peuple palestinien qui est nié, il y a une prison à ciel ouvert, et on se tait, il y a un crime qui dépasse tout ce qu'on peut voir, et là, il y a une chape extraordinaire. D'abord, la liberté des Palestiniens. Une fois qu'ils sont libres, ils jugent leurs propres dirigeants. Voilà ce qui me semble, moi, à mon avis, quelque chose. Mais ne prenez pas ça comme une agression, simplement un avis. Et le monsieur vient de dire une phrase très importante, et là je parle à mes amis africains, je parle à tous mes amis africains qui sont là en train de dire nos présidents, blablabla, blablabla. La communauté africaine, la diaspora africaine, et je pense que c'est encore dû à Tarzan, King Kong, la planète des singes, la diaspora africaine est la seule diaspora au monde, c'est le seul peuple qui ne fait que se mépriser. C'est-à-dire que au lieu d'abord de libérer son pays par tous les moyens et après de discuter de savoir les tenants et les aboutissants, ils vont d'abord critiquer leurs dirigeants, leurs machins, leurs frères, leurs sœurs, ouais, mais bon, c'est parce que c'est notre faute. Et donc vraiment, il y a c'est pour ça que je dis Tarzan, King Kong, la planète des singes, c'est un grand fardeau que les Africains ont et c'est un lavage de cerveau que les Africains ont vécu. Je l'ai vécu moi-même. Vous voyez mon accent, moi j'avais honte d'être noir quand j'étais jeune et je faisais tout pour montrer que j'étais bien blanc et mon accent je suis plus parisien qu'un parisien. Et tout ça c'est dû à ces films, à ces choses-là. Et vraiment, le monsieur vient de parler de la Palestine. Le jour où j'entendrai un Africain dire on doit arrêter de punir l'Afrique et ne pas dire oui mais nos prix, nos machins, et là. C'est-à-dire que l'Africain, leur jour il sera fier d'être un être humain, il se défendra d'abord en tant qu'être humain plutôt qu'en tant que vassal. Et ce que le monsieur vient de dire sur la Palestine, surtout que lorsqu'il dit que la Palestine est un limbon, on peut en parler, machin, ceci, cela, mais bon, le Congo, c'est 15 millions de morts, ça, c'est ça. La Palestine, bon, parler de la Palestine, ça a été créé par les Allemands, ok, par Hitler. Non, il faut comprendre, la Palestine a été créée par Hitler. La Palestine a été créée par les Allemands, par les Allemands. Ensuite, les Anglais, ayant vu ce que les Allemands ont mis en place, ont récupéré après la guerre la Palestine, ont créé Israël et ont imposé la politique israélienne au milieu d'une région orientale. Ok. On va parler un autre jour. On va rendre le micro. On va rendre le micro. Cette discussion, on va en discuter entre nous, les amis. Et on va tous parler de nos savoirs et des tenants et des aboutissants. Mais sincèrement, les amis, reprenons notre cerveau, arrêtons d'avoir honte, arrêtons nos complexes, arrêtons de nous regarder entre méchants et pas méchants. Regardons qui nous a mis les uns contre les autres et pourquoi. Merci beaucoup. Et non mais comme il y a encore plein de personnes qui veulent parler, je rappelle que si vous voulez venir intervenir sur, mais même pour rebondir sur ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas, vous venez nous voir, on vous inscrit pour une heure. Et vous n'êtes pas obligé de tenir le micro pendant trois quarts d'heure et d'être expert sur un sujet. Au contraire, vous pouvez lancer un sujet. Vous voyez bien que ça crée tout de suite du débat. Donc n'hésitez pas, en fait, soyez lanceur de sujet. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes là qui voulaient parler parce que du coup, il y avait d'autres choses qui leur venaient dans l'esprit, au contraire, venez nous voir. Là, on vous inscrit la semaine prochaine. On est là le mercredi et le dimanche, exceptionnellement aujourd'hui, mais sinon tous les mercredis et tous les dimanches. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous proposer des sujets. Voilà, donc sinon on a fini pour aujourd'hui parce qu'on a pas mal débordé, donc nos interventions s'arrêtent là. Et demain on est encore là de 15h à 19h et on a aussi 4 interventions qui seront super intéressantes. Et si vous voulez trouver les interventions qui ont déjà eu lieu, il y a le site educpopdebout.org. Voilà, et puis si vous voulez donc intervenir et aussi nous aider pour l'organisation, parce qu'on a toujours besoin de monde, surtout pendant les vacances, n'hésitez pas vraiment, plus on est, mieux c'est. Donc merci beaucoup.